Chapitre 3e. Aucune catastrophe ne vint pendant quelque temps troubler le repos du recteur. Il avait fui toute société, et depuis 10 longs jours au moins refusé les invitations de ses paroissiens. Mais les bonnes gens, le croyant indisposé, ne firent que redoubler de soins, de sorte que le pauvre M. Proctor reprit le cours de sa vie habituelle, se renfermant dans un cercle de précautions infinies que sa naïveté lui inspirait. Il était plus réservé que jamais, lorsqu'il était forcé de parler aux dames, et surtout plus embarrassé en présence des deux Miss Woodhouse, qui, pour son malheur, étaient fort répandues dans Carlingford et qu'il rencontrait partout où il allait. Cet embarras ne l'empêchait pas cependant d'être frappé de tout ce qui les touchait. Il connaissait, sans pouvoir en dire le nom, la robe-gorge de pigeon de la sœur aînée, et les rayons bleus qui flottaient autour de Lucie avaient leur place distincte dans ses souvenirs. Rien, néanmoins, dans la conduite des deux sœurs n'avait justifié ses appréhensions. Il s'était aventuré jusque chez elle, et aucun accident ne s'en était suivi. Il s'était même promené dans ce délicieux jardin, où les fleurs avaient fait place à d'innombrables et magnifiques fruits. De belles pommes rouges pendaient aux branches, qu'il y a peu de temps jonchaient de leurs pétales rosés l'habit de Cecil Wentworth. Mais ce calme apparent ne rassurait pas M. Proctor. Quelque personne autre que sa mère lui avait aussi donné à entendre qu'il devait songer à s'établir. Il vivait donc dans des transes perpétuelles, ne sachant ni quand ni comment la foudre éclaterait sur sa tête. C'est dans de semblables dispositions d'esprit que le recteur traversait un jour la rue de Grave pour rentrer chez lui. Il suivait cette ligne d'humbles cottages, précédés de petits jardins qui font face aux riches habitations du côté opposé. Il crut avoir vu deux femmes, dont la tournure était celle des deux Miss Woodhouse, entrer dans un de ces cottages. Il hâta le pas, afin d'éviter la rencontre de ses deux ennemis de son repos. Mais tout à coup, un bruit de sanglots vint frapper son oreille. Quelque timide qu'il soit, un homme de cœur ne résiste pas à de tels accents. Il s'arrêta donc à la porte d'où partaient les cris, et tandis qu'il était là, irrésolu, une petite fille sortit, et lui prenant le bras. « Je vous en prie, dit-elle, monsieur. Elle est mourante, et désire un prêtre. Voulez-vous entrer ?» Le recteur regarda l'enfant avec étonnement. Il n'avait pas son livre de prière. Il n'était pas préparé, était loin de s'attendre à une pareille aventure. En ce moment, le bruit augmenta à l'intérieur du cottage et il put entendre une voix suppliante qui demandait un prêtre. M. Proctor était dans le plus sérieux embarras où il s'eût encore vu. Que pouvait-il faire au chevet d'une mourante? Qu'aurait-il à dire à une créature prête à franchir le terrible passage? Il pâlissait, accablé sous cette cruelle angoisse. Est-on allé chercher le docteur? Demanda-t-il sans trop savoir ce qu'il disait. « C'est inutile, reprit la petite servante. Le docteur est venu et il n'y a plus d'espoir. Elle est résignée à mourir, mais sa conscience est troublée. Entrez, monsieur, entrez, et soulagez-la par vos paroles. » Le recteur ne pouvait reculer. Il franchit tristement le seuil de la porte et suivit la petite fille à travers l'escalier. « Pourquoi, se disait-il, n'avoir pas fait appeler monsieur Wentworth, qui est habitué à consoler les mourants? Pourquoi s'adresser à lui dans un cas pareil ?» Le digne homme eût été moins ému de paraître devant la reine elle-même ou devant le conseil des évêques que lorsqu'il entra dans la petite chambre. La mourante respirait péniblement. Elle ne parut pas très malade aux yeux inexpérimentés de M. Proctor. Son visage était coloré, ses yeux brillants. Près de la porte se tenait Miss Woodhouse, aussi incapable de rendre aucun service et aussi embarrassée que le recteur lui-même. Lucie était debout au chevet de la malade, attentive à ses moindres besoins, prête à la soutenir, à la changer de position. Le contraste était frappant entre les deux sœurs. Elle avait ôté son chapeau et son châle et semblait familiarisée avec ce qui l'entourait, au point qu'on lui crut à son propre foyer, en dépit de son élégance et de sa distinction. Il n'est pas de sœur de charité qui, dans ses simples ajustements, eût paru plus serviable, plus alerte que Lucie. Le pauvre acteur prit le siège que la petite servante lui présentait et regarda le groupe qu'il avait devant les yeux en poussant un profond soupir. Hélas! Un lit de mort était pour lui une région inconnue. « Que je vous suis obligé d'être venu, » s'écria la pauvre femme. « J'étais malade bien longtemps, mais je n'ai jamais pensé à la mort comme je le devais. J'ai remis de jour en jour à m'occuper de mon salut, et maintenant je crains qu'il ne soit trop tard. »« Oh, dites-moi, monsieur, est-il trop tard quand on est mourante ?» Avant que le recteur ait pu dire un mot, la malade continua. « Je sens que je n'ai pas toute la foi que je devrais avoir. Croyez-vous, monsieur, que l'on puisse être sauvé quand on n'a pas la foi ?» « Oh, dites, monsieur, l'état de mon esprit n'est-il pas un obstacle à mon salut ?»« Priez ce bon monsieur de me répondre, Miss Lucie. Peut-être il vous écoutera, vous ?» Un regard de la jeune fille, tout en augmentant l'embarras du recteur, vint hâter sa réponse. « Est-ce en son docteur qu'elle n'a pas foi ? » dit-il d'une voix hésitante. La malade jeta un faible cri. « Le docteur » répéta-t-elle. « Quel soulagement peut-il apporter à une pauvre mourante ? Ce n'est pas de ce secours-là dont j'ai besoin. C'est mon âme, mon âme. » « Mais, ma bonne femme, reprit M. Proctor, il est très louable à vous de vous occuper de votre âme. Espérons cependant que votre état est moins grave que vous ne le supposez. » La malade ouvrit ses yeux tout grands et regarda le recteur avec cette expression anxieuse particulière au mourant. « Je veux dire, reprit le pauvre homme, troublé par son regard, que je ne vois aucune raison de vous alarmer à ce point. Tout n'est pas désespéré encore. » La malade poussa un soupir, plutôt un gémissement. Lucie lui jeta un coup d'œil étonné et mécontent. Le recteur resta muet. Il était désespéré. S'il avait connu quelques remèdes, quelques consolations, il aurait tout fait pour la soulager. Mais il n'avait rien à dire. Aucun mot ne montait de son cœur à ses lèvres pour soulager cet esprit malade. Il était horriblement malheureux de voir le désappointement causé par ses paroles. Mais sa détresse ne fit que le rendre plus incapable encore. Après un silence que troublaient seules les plaintes de la malade, le recteur reprit la parole. La pauvre femme s'était tournée du côté du mur, elle avait fermé les yeux, effrayée, cessant évidemment de rien attendre de lui. « S'il y a quelque chose que je puisse faire pour elle, dites-le-moi, » fit M. Proctor. « Mon intention était de la calmer, mais si je puis être utile... »« Ah, peut-être n'est-il plus temps, » dit la mourante, en se retournant par un effort soudain. « Me parler du salut de mon corps, quand j'ai déjà un pied dans la tombe ?»« pas encore peut-être, » reprit le pauvre homme. « Pas encore ? » répéta-t-elle de cette voix brève et vibrante qu'on rencontre parfois chez les personnes très faibles. « Je ne suis pas une enfant pour me tromper ainsi. Priez pour moi, priez avec moi, Miss Lucie !» La malade fut prise d'une suffocation. En un instant, Lucie l'eut soulevée dans ses bras et, à défaut de coussin, la tint appuyée contre sa poitrine. C'était une agonie effrayante à voir, dans laquelle chaque soupir semblait être le dernier. Le recteur, muet et épouvanté, regardait cette lutte suprême. Miss Woodhouse s'approcha du lit et demanda ce qu'elle pouvait faire. Lucie fit un signe de la main pour la remercier. En se retirant, la sœur aînée échangea avec M. Proctor un regard de tristesse et de sympathie. Tous deux étaient également remplis de bonne volonté, également embarrassés, également inutiles. Ils étaient là, immobiles, ne sachant que faire. On eût dit qu'ils se reprochaient leur mutuelle incapacité. À peine la crise avait cessé, qu'on entendit un bruit de pas dans l'escalier et M. Wentworth entra dans la chambre. Il expliqua, à voix basse, qu'il n'était pas chez lui au moment où on l'avait fait demander, mais qu'il était venu dès qu'il avait pu être averti. Il recula, en voyant le recteur et même, car il était loin d'être parfait, il éprouva dans ce lieu un mouvement d'irritation. M. Proctor se leva pour lui céder sa place et se retira auprès de Miss Woodhouse. Tous deux assistèrent du fond de la chambre à ces soins touchants, dont aucun d'eux n'était capable. L'une voyait avec des sentiments de charité et d'envie. En même temps, si une telle alliance est possible dans le cœur humain, cette jeune fille soutenant et encourageant la malade. L'autre considérait, avec une surprise qu'il ne cherchait pas à cacher, ce jeune homme qui touchait sans hésiter au plus profond mystère de la vie et de la mort et qui savait verser la consolation dans une âme prête à quitter la terre. Les deux jeunes gens savaient, eux, que la malade allait mourir. Lucie était près d'elle, vigilante et affectueuse. Cecil Wentworth faisait brûler à ses yeux l'immortelle espérance qui seule peut adoucir les rigueurs de la mort. L'attitude du recteur et de Miss Woodhouse était pleine de respect et d'admiration. Il semblait qu'un miracle s'accomplît devant eux. Toute la vie de M. Proctor ne lui avait pas été peut-être un aussi grand enseignement que ces 2 heures passées dans une obscure chambre où, humble et sincère, à genoux sur la dalle, il répondait aux prières de son jeune collègue. Son jeune collègue, assez jeune en effet pour être son fils, beaucoup moins instruit que lui, mais des millions de fois plus savant dans l'art divin de consoler les affligés. Quand les prières furent achevées, le recteur sortit doucement sans parler à personne. Il fut rejoint dans la rue par Miss Woodhouse, dont la présence ne l'embarrassa pas cette fois. Elle avait hâte de s'ouvrir à lui, et il éprouvait aussi un besoin d'expansion et de sympathie. « N'est-ce pas bien étrange, M. Proctor ?» dit la bonne fille. Celui-ci ne répondit que par un mouvement de tête enthousiaste et convaincu. « Ah, il n'en était pas ainsi du temps de notre jeunesse » continua-t-elle d'une voix émue. « Et c'est cette pensée qui me console un peu. Je crains de ne pas avoir été élevée assez chrétiennement, et pourtant, voyez cette enfant, elle qui paraissait si étourdie, si rieuse. » Oui, répéta le recteur, les choses n'étaient pas ainsi au temps de notre jeunesse. Et le digne homme semblait trouver aussi une sorte de consolation dans cette pensée. Ah, que de choses sont ainsi changées! Ces enfants, continua-t-elle, les yeux pleins de douces larmes, sont plus près de Dieu que nous. Puis, ils se serrèrent la main et se séparèrent. Le recteur rentra chez lui et s'enferma dans son cabinet. La nuit qui suivit cette journée fit époque dans sa vie. Pour la première fois, il se demanda quel était son devoir en ce monde. Son traité de la langue grecque, une nouvelle édition de Sophocle, faisait assurément beaucoup d'honneur à l'agrégé de Old Souls. Mais de quelle utilité était-il au recteur de Carlingford? Que faisait-il au milieu de ce petit monde qui naissait, souffrait, mourait, sujet à toutes les misères de l'humanité? Le jeune Wentworth avait su consoler une femme à l'agonie. Il aurait trouvé, lui, quelque chose à dire, s'il se fût agi d'une traduction contestée ou d'un idiome à peu près oublié. Le repos et la quiétude du digne homme venaient de recevoir un rude choc. Il sentait qu'il avait failli un devoir qui, même à All Souls, était considéré comme tel pour un prêtre chrétien. Mais était-il un prêtre chrétien? Sa conscience était troublée jusque dans ses plus intimes profondeurs. Il comprit qu'il lui était impossible d'occuper une position dont les devoirs surpassaient ses forces. Et la question principale qu'il se posa dans cet examen de sa propre conscience fut de savoir s'il pouvait apprendre à les remplir ou s'il devait renoncer au rectorat de Carlingford. Il chercha toute la nuit la solution de ce problème, mais il ne put la trouver. Il n'en était pas ainsi du temps de notre jeunesse. Telle était la pensée qui lui revenait toujours à l'esprit et qui seule lui apportait quelque consolation. Cependant, il est cruel, même pour les cœurs les plus magnanimes, de s'avouer qu'on a entrepris une tâche qu'on est incapable de poursuivre. Magnanime est peut-être un mot bien sonore à propos du recteur, mais il avait une nature foncièrement honnête, et du jour où il appréciait l'étendue de ses devoirs, il devait les remplir ou résilier ses fonctions. Et comment les remplir? Apprend-on à consoler les mourants, à soulager les affligés, à encourager les faibles? Ces choses peuvent-elles s'acquérir par l'étude comme les verbes grecs et les hexamètres latins? Son cœur répondait non. Alors, le paradis d'Old Souls, où de si terribles questions ne venaient jamais troubler sa béatitude, passa devant ses yeux. Le digne homme gémissait au-dedans de lui-même des mortifications, des peines, des travaux que comportait son nouveau genre de vie. « Si seulement, se disait-il, j'avais cédé cette place à Morgane qui voulait se marier !» Mais l'innocent roman d'amour filial qu'il avait rêvé lui revint à l'esprit. Il songea au bonheur dont jouissait sa mère, bonheur qui lui avait rendu pour ainsi dire une seconde vie. Retournerait-elle dans le Devonshire, habiter un cottage solitaire? Cette pensée accabla le recteur. S'il pouvait parvenir à surmonter ses répugnances, à conserver à la vieille femme le foyer qu'elle venait à peine de conquérir, reculerait-il devant cette œuvre de dévouement? Personne cependant ne soupçonna les luttes qui avaient agité son âme. Le dimanche suivant, il prêcha comme d'habitude, sans laisser percer les sentiments d'angoisse qui l'accablaient. Son sermon, prononcé devant une assemblée peu sympathique, ne toucha personne, n'enthousiasma aucune conscience. Il lut dans les seuls regards de Miss Woodhouse, témoin de son humiliation, un souvenir bienveillant. Lucie n'était pas là. Elle se trouvait sans doute à Saint-Roch, où les sermons du vicaire étaient bien différents de ceux du recteur de Carlingford. Hélas, la responsabilité et les devoirs du rectorat étaient lourds, et qu'adviendrait-il de son incapacité à les remplir? Mais ce proctor ne pouvait le prévoir. Il était patient. Il résolut d'attendre les événements et de les méditer à loisir. Chaque fois qu'il s'approchait de sa mère, il sentait ses résolutions chanceler. La vieille dame était le lieu qu'il retenait à Carlingford, et il ne pouvait lui donner une plus grande preuve d'amour que de se soumettre à un travail pour lequel il n'était pas fait et de renoncer à la paix délicieuse qu'il aurait goûtée entre les murs de son cloître chéri. S'il n'y avait pas eu de mourant à consoler, peut-être Mrs. Proctor l'aurait-elle enfin emporté sur les hésitations de son fils.